Leçon 1, page 94, activité 2 et 3, piste 81. C'est chez toi ? Oui, on arrive. Et là, c'est mon frère Sam. Tes parents habitent ici ? Oui, avec mon frère et moi. Et ta sœur ? Ma sœur, elle est maintenant à Paris.